ASMR Beat Making。 Tu m'écoutes, tu penches à droite. J'pourrais te rafaler de la gauche. J'pourrais te rafaler de la gauche.